feretati logora, a feretati sugura, a feretati logora, a feretati sugura, tini, tini. Je te souviens, Marie, de ne plus retourner le couteau dans la plaie. Simple sourire, un sourire illumine toute une vie. Femme, pour n'avoir pas d'enfant, il t'a manqué de respect. Femme, pour n'avoir pas d'enfant, il te torture sans arrêt. Femme, pour n'avoir pas d'enfant, les conditions du mariage te sont difficiles. Tu n'en trouveras pas sur le marché à acheter. Alors dis-lui, dis-lui. Te souriront, Marie, de ne plus retourner le couteau dans la plaie. Dis-lui, dis-lui, que te souriront, Marie, de ne plus retourner le couteau dans la plaie. Dis-lui que si ne veux perdre ton, elle tente pour te faire des bises. Dis-lui que si ne veux perdre tout. Au moins d'attendre que tes blessures se cicatrisent. Au moins te laisser vivre tranquille ta détresse. Tu n'en trouveras pas sur le marché à acheter. Alors dis-lui, dis-lui. De te souriront, Marie. De ne plus retourner le couteau dans la plaie. Dis-lui. Savoir que dans le mariage tu vivras comme une esclave fait peur. Les hommes de maintenant, quand ils cherchent une femme, prennent une voix plus douce, que personne ne vienne la cajoler, pour ensuite la rejeter. Elle en a rêvé depuis toute petite, aujourd'hui elle en crève à petit feu. Elle en a rêvé tellement fort que son sort semble scellé. Elle en devient fêlée. Est-ce bien l'homme qu'il fallait pour se mettre la corde au cou, la bague au doigt? Un conte de fées qui vire au drame, aux faits divers. Diverses sont les raisons, une histoire à diversion. Elle crie haut à la diversion, tandis que lui demeure sans compassion. Dis-lui, dis-lui.